Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec, en ce 27 décembre de tempête. Et oui, nous sommes fidèles au poste pour vous parler jeux, et cette semaine, on vous parle également d'autres choses que de jeux. On va vous parler de films également, parce que cette semaine, avec Monsieur Andrew Castegan à la console. Bonjour Andrew. Bonjour Monsieur Michaud. Ça va bien? Enrhumé, mais on a une belle journée aujourd'hui. Ah, il fait beau. Il fait beau, mais on a fait des choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Premièrement, ben là, on va vous parler premièrement du film Le Hobbit, qui est sorti il y a deux semaines. Et on va vous parler donc de ce film-là, donc un peu la suite là, dans la franchise Lord of the Ring, The Hobbit, qui se passe avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. On va vous parler de ça tantôt, on va parler du film, parce que nous l'avons vu tous les deux. Et on va également vous parler de la Wii U, parce qu'on a eu la chance aujourd'hui de la tester, cette Wii U, chez quelqu'un qui a bien voulu nous accueillir dans son salon pour qu'on puisse tester ça. Et on va vous parler de ça à l'émission, et des petites nouvelles rapides ludiques vers la fin, dont des nouvelles assez importantes. On parle entre autres de THQ, qui aurait fait faillite. On va vous en parler plus tard dans l'émission. Mais comme à notre habitude, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximal, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher toutes nos anciennes émissions en version podcast, justement d'autres podcasts qu'on a fait, des petites chroniques, des nouvelles également qui sont postées sur le site. Vous pouvez aller nous chercher également sur Facebook. Vous allez taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous retrouver, et aller appuyez sur le petit bouton j'aime, parce que nous, on vous aime. On fait ça pour vous, braver les tempêtes comme ça et nous présenter dans les studios de CKIA. Et également, vous pouvez toujours sur Facebook aller faire une demande d'émission à M. Andrew Castegan, notre metteur en ondes, et pour pouvoir chatter en live avec lui sur les internets pendant l'émission. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant nos chroniques, des fois on peut faire un suivi live de tout ça. Également, on vous rappelle qu'il y a toujours le site de CKIA, le CKIAFM.org, pour aller chercher votre carte de membre, un petit 20$ pour devenir membre de CKIA et ainsi encourager une station différente à Québec, un micro libre et de la musique différente sur les ondes radiophoniques, et en même temps encourager Puissance Maximale. Et nous allons commencer en musique, M. Castegan, avec une chanson en fait de circonstance, parce que c'est une chanson qui est tirée de la trame sonore du film Le Hobbit. Oui. C'est une chanson qui s'appelle Misty Mountains. Et donc, pour ceux qui ont écouté le film, c'est la chanson que les nains chantent au début du film dans la maison de Bilbo. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Misty mountains cold. to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten. Pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, Frodon qui écoute Puissance Maximale, mais qui est aussi le neveu de Bilbo, l'Hobbit, que nous avons vu au cinéma, moi et M. Castagan, récemment. Donc, à la sortie du film L'Hobbit, un voyage inattendu. Donc, le premier d'une nouvelle trilogie dans la franchise du Seigneur des Anneaux. Où on va finalement voir un peu 60 ans avant les événements que nous avons connus dans la première trilogie. Donc, ça, c'est un aspect vraiment important. Vous allez voir, il y a une autre atmosphère qu'on va voir dans cette trilogie-là, dans ce film-là, parce qu'on n'est pas dans un contexte de guerre mondiale qu'on peut retrouver les anciens personnages. Donc, Legolas, Aragorn, Gimli et compagnie. C'est pas une guerre mondiale contre Sauron et une unification des peuples de la Terre du Milieu, mais bien une bande de nains qui ont besoin d'un cambrioleur pour les aider dans une quête, accompagné évidemment du mage Gandalf, du magicien Gandalf, donc qui vont partir à la quête finalement d'un trésor sous la montagne qui abrite l'ancienne cité d'Erebor, donc un ancien royaume nain. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va finalement entrer dans ce nouveau film dirigé encore par Peter Jackson et Andy Serkis également. Andy Serkis qui est celui qui joue le rôle de Gollum, donc la magnifique voix que vous entendez qui dit « mon précieux ». Donc c'est ce comédien-là a en fait dirigé la deuxième équipe de tournage de ce film-là. Il y a sur YouTube, vous pouvez aller vous chercher ça, il y a des capsules de tournage, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant du film. Vous allez avoir des essais de costumes, des repérages pour savoir où est-ce qu'ils vont tourner en extérieur, des entrevues évidemment avec les comédiens, avec les artisans de ce film-là, dont Andy Serkis comme réalisateur de la deuxième équipe. Donc vous êtes dans un film qui est pas dans le même contexte du tout que l'autre. On sent que ça s'en vient parce qu'il y a bien évidemment des traces du retour de Sauron, même 60 ans avant. Il y a des traces du retour du vilain. C'est ça qu'on va voir dans le film. Et on va en parler. Donc les grands personnages. Les puissants personnages que l'on connaît dans la première trilogie, on va en revoir quelques-uns dès le premier film dans Le Hobbit, et on va les revoir qui vont parler de ce retour. Évidemment, il n'y a qu'à peu près Gandalf qui y croit à ce moment-là. Donc, on va en parler un peu. Mais on va surtout suivre Bilbo, donc l'oncle de Frodon, donc un autre Hobbit qui va partir pour une aventure avec 12 nains, eux qui partent pour reconquérir le trésor et aussi la terre de leurs ancêtres, donc Erebor, la cité naine. Et ça nous amène aussi d'autres, de voir justement des races qu'on n'avait pas vues dans les autres films, on voyait autrement, dont les nains, parce que pour les nains, on voyait pas mal juste Gimli dans les autres films. Mais là, on en voit tout plein. Donc, moi, je trippe parce que, étant rôliste à la base, c'est une des races que j'aime bien habituellement incarner, là, les nains. Des bons vivants, des gens robustes qui vivent sous les montagnes. Là, en plus, on voit une cité habitée et non pas juste la fameuse mine de la Moria. C'est ça, on ne voit pas que des ruines, on voit justement une ville habitée où on voit des nains travailler. C'est des flashbacks, c'est sûr que ça ne passe pas des heures là-dessus, mais c'est le fun de voir ça. On voit des batailles, on voit justement les nains qui sont avec Bilbo. et Gandalf avec eux, la façon qu'ils réagissent, c'est le fun de voir autre chose que des elfes et des hommes et des orques. Aussi, on va avoir des orques, on va avoir des gobelins, mais on les voit dans un autre contexte. C'est ça qui est intéressant. C'est pas dans le contexte de... Ce sont des sbires de Sauron, c'est pas trop compliqué. Ils ont vraiment... C'est un petit peu pas, je dirais pas plus vraiment, vraiment complexe, là. Mais c'est plus complet, plus intéressant de voir ça comme ça, de voir les gens, les peuples de la Terre du Milieu réagir dans un quotidien de paix. Parce que ça fait 400 ans qu'ils sont en paix dans la sur la Terre du Milieu, à part certaines guerres, entre eux, pour des petits bouts de territoire, entre les orques et les nains, entre autres, là, encore les gobelins et les hobbits. Ouais, aussi, parce qu'on en a parlé, parce que, effectivement, la comté où vivent présentement les Hobbits, ben, n'a pas toujours été, pacifique. Les Hobbits se sont battus et on apprend que l'arrière-arrière-grand-père, je crois, de Bilbo était un Hobbit tellement grand et tellement robuste qu'il pouvait chevaucher un cheval. Un poney. C'est un cheval. Les hobbits, à la base, chevauchent des poneys. Mais ils chevauchaient un cheval et utilisaient un club de guerre, donc un gourdin, et qu'il était si fort qu'il envoyait voler ses ennemis. Donc, vraiment, c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend. C'est vraiment intéressant. On apprend plus de trucs un peu sur la mythologie, sur l'univers de Tolkien. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Écoutez, c'est sûr que moi, je suis vendu à la franchise. Je peux pas dire que je suis très objectif quand je dis ça, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Il y a du monde qui trouvait ça trop long, mais en même temps, pour ce genre de film-là, c'est beaucoup plus intéressant de prendre son temps, justement. Des trucs, même si c'est dans les films du Seigneur des Anneaux qui duraient 4 heures dans les versions longues, il manque des trucs qu'on n'a pas vus qui étaient dans le roman. En même temps, on peut pas faire ça dans les films, on peut pas tout revoir tout le temps, là, tous les éléments, mais quand même, moi je trouve que ça vaut la peine de prendre son temps dans ce genre de film-là, surtout pour un film traitant de l'univers de Tolkien. Donc pour le Hobbit, moi personnellement j'ai pas perçu de longueur. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que chaque passage avait son utilité. Sa raison d'être, tout à fait. Il y avait de l'action. Il y en a qui en auraient pris un peu plus, mais en même temps, il faut dire que le type de livre qu'est le Hobbit, toute la ligne directrice, là, la storyline, la trame narrative, finalement, c'est beaucoup moins guerrier, je trouve, là. De toute façon, ceux qui ont lu le livre le sauront. C'est beaucoup moins guerrier que dans le contexte du Seigneur des Anneaux. On est comme je disais tantôt, en genre de contexte de guerre mondiale. Là, c'est vraiment un contexte beaucoup plus rôliste comme on le connaît, là. C'est une compagnie qui décide d'aller à l'aventure pour... J'ai comme une toune en tête, à l'aventure compagnon. Ben, c'est ça, ça nous revient en tête, ça. Quand Bilbo décide de partir de chez lui pour rejoindre les nains, parce que là, je vous rendrai pas de punch en disant qu'il décide d'aller à l'aventure. Oh, Mike! Moi, je pensais qu'elle allait rester à la comté puis fumer sa pipe pendant 3 heures. 3 heures de temps où il fume et il mange. Mais ça. Mais ça, c'est. Il y a des gens, par exemple, parce que il faut dire que les critiques ont pas été super bonnes pour le film, souvent trop, on disait trop long. Et aussi un truc qui est ressorti, qui est une nouveauté, c'est que le film a été tourné au double du nombre d'images par seconde qu'on fait normalement, 48 images par seconde. Ce qui fait que la qualité de l'image est là, c'est très léché, très esthétique, sauf que le problème, que les gens, ça fait un peu plastique, dans le sens où les choses factices, on va les voir plus facilement, les trucs à la infographie, à la numérique, c'est ça qui va être le plus beau. Moi, ça m'a pas trop dérangé. C'est sûr que ça fait bizarre au début, mais c'est sûr, il y a des gens qui ont moins aimé ça. Ça donne une esthétique un peu de cinématique de jeux vidéo, en fait. Souvent, on voyait passer ça, puis j'avais l'impression des fois de regarder des cinématiques de jeux vidéo, malgré la présence de comédiens, là, de live action. Des fois, on avait l'impression d'être devant du numérique seulement. Il y en a que ça a vraiment beaucoup, beaucoup dérangé, d'après ce qu'on a pu lire dans les critiques. Moi, pas tant. J'ai passé par-dessus. Je l'ai même vu 2 fois. Moi, je l'ai vu en français, en 3D. Le 3D était bien réussi aussi avec le 48 images par seconde, là. C'est quand même une esthétique intéressante avec le 3D. Puis je l'ai vu aussi en 3D standard, là, sans le 48 images, là. Je l'ai vu en 3D en anglais également. C'est sûr que pour la trame sonore, en anglais, c'était beaucoup meilleur vu l'acting, vu l'univers de Tolkien est anglo-saxon, donc c'est là que c'est intéressant. Mais le doublage n'était pas mauvais du tout là, en français. Là. Ça, faut pas que ça vous rebute s'il y a juste une version française. Allez le voir quand même parce que c'est quand même un bon film, mais la version anglaise est beaucoup meilleure. Moi, je l'ai pas vu la version anglaise, mais une petite parenthèse hors sujet, rapidement. J'ai eu des commentaires sur Facebook. Si vous écoutez présentement avec votre radio, mais vous voulez l'écouter sur Internet, l'émission, puis vous êtes pas capable, puis présentement vous écoutez ça avec une qualité de sonore de merde parce que vous pognez pas, excusez-moi pour le terme, enregistrez le lien sur le site de Sequoia, parce que si vous faites juste cliquer dessus, on dirait qu'un Windows Media Player, il est pas capable de l'ouvrir pour une raison obscure. Moi, il y a un bug sur le site, donc allez faire enregistrer sous pour avoir le lien. Fichier PLS, je pense, le format de fichier. Non? C'est ça, puis là, vous cliquez, mettez-le sur le bureau de votre ordinateur. Vous cliquez deux fois et vous allez avoir... C'est ça. Sinon, si vous avez VLC, en passant, excellent lecteur, lui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Allez vous chercher VLC Media Player. À la base, ça vous prend ça sur votre PC ou n'importe quelle machine qui le supporte. Allez vous chercher ça. Donc, voilà pour le petit côté bug technique du site de Sequoia. C'est pratique, Facebook, pour ça. Voilà. Donc, revenons, c'est ça, à Bilbo. Donc, une esthétique des fois un peu froide à ce niveau-là parce que c'est plus... Ça ressemble... C'est une tendance plus plastique un peu, mais... Moi, ça m'a pas trop dérangé. Toi, Andrew, ça t'a-tu... Tu l'as-tu vu dans cette version-là, toi? 48 images par seconde? Non. Moi, je t'allais la voir au IMAX en avant-première. Fait que moi, je l'ai vu 3D format IMAX. Je sais pas les images par seconde, dans le fond, à combien que c'est pour le IMAX là, versus la version que tu l'as vu, je le sais pas. Moi, je dirais qu'en tant que tel, j'ai... trouver le visuel quand même très bien. Par contre, je recommanderais pas d'aller le voir au IMAX, ce film-là, parce que moi, j'ai trouvé que le 3D, je perdais le 3D sur les coins à cause de la grosseur de l'écran. Ouais. C'est peut-être juste moi, là, mais t'es, je trouve que il est très, très beau, le 3D du IMAX, si on va voir un documentaire ou quelque chose comme ça. Mais les deux fois où j'étais allé voir un film, je pense qu'il y avait une fois où ça a été un Batman, mais il était pas en 3D, mais bref, les deux fois où j'étais allé voir vraiment des films en 3D ou IMAX, je trouvais que 3D, il en arrachait un peu à cause de la grosseur d'écran. Là. Mais je vous dirais que ça a été une très bonne expérience, par exemple au niveau du son. Je vous dirais, le son du IMAX, c'est écœurant. Là. Mais j'ai pas remarqué vraiment le côté plastique là, que tu parles. Je te dirais, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, certains monstres qu'on voyait comme vraiment lugubres et sauvages dans la trilogie du Seigneur des Anneaux avaient une allure un peu plus sympathique dans le Hobbit du fait que c'est une nouvelle... On parlera des trolls ici. Là. Ouais, les trolls. Mais les gobelins aussi. Je trouvais que oui, ils étaient difformes, des choses comme ça, mais... Mais en même temps, faut pas oublier que les créatures dans le Seigneur des Anneaux, disons qu'on compare à l'autre trilogie, ils sont sous le contrôle de Sauron. Ils sont là pour faire la guerre, c'est des ils sont vraiment contrôlés par ce génie du mal. Bref, cette créature maléfique qu'est Sauron. Et ils sont plus sauvages aussi. Ils ont une vie normale, les trolls et autres. C'est ça qui est drôle parce que dans la première trilogie, les trolls, on les entend pas parler jamais. Ils gueulent, ils bûchent du monde, mais ils parlent pas. Là, j'avoue qu'ils étaient rigolos. Là. C'est des comic relief là, dans ce bout-là. Mais quand on lit le livre, c'est ça aussi. Là. Ils s'ostinent, puis Bilbo s'ostine avec eux autres. C'est juste parce que sur le coup, l'aspect esthétique, t'es de la façon qu'ils ont imagé, c'est pas le même design, dans le fond, de qu'est-ce qu'on était habitué de voir dans les trois premiers films. Ouais, c'est ça, ça y ressemble. Mais il faut dire qu'en tout cas, il y a différentes sortes de trolls, là, mais bref, j'avoue qu'il y avait la moins sauvage, mettons, que dans le premier. Les gobelins, t'sais, quand on voit les gobelins dans Le Seigneur des Anneaux versus ceux qu'on voit dans Le Hobbit, il y a vraiment une grosse différence au niveau du design. Là. Ils sont plus difformes dans Le Hobbit, étonnamment, là, mais ça leur donne quasiment un petit côté charmant. Ouais, c'est ça. Mais il faut dire qu'on les a pas beaucoup vu. Les seuls quelques gobelins qu'on a vus, c'est dans le 2, dans les deux tours. Non, même pas dans Fellowship of the Ring, excusez-moi. Puis là, où ils vont se battre dans la Moria contre la compagnie, contre la confrérie de l'anneau, la communauté de l'anneau. Puis ils sont armurés, puis ils sont en mode... c'est ça, c'est le design. Il y a des designs qui ont un peu changé, effectivement. La plupart, comme... La comté reste pareil, là, parce que ça a encore été tourné en Nouvelle-Zélande pour les extérieurs, donc. J'ai le goût d'y aller juste pour voir. Ouais, c'est clair. C'est sûr que ça a augmenté le tourisme en Nouvelle-Zélande, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr, ouais, c'est ça. Il y a quand même quelques designs qui ont un peu changé. Mais tous les lieux en tant que tels, comme on va à Rivendell, donc à Foncombe, chez les elfes, c'est le même, les mêmes bâtisses, le même design à ce niveau-là, mais chez les créatures, il y a des petits changements, mais rien vraiment mais de c'est majeur. Là. C'est juste le premier coup, quand je les ai vus pour la première fois, j'ai fait OK, c'est pas pareil. Mais à part ça, c'était pas si pire que ça. Je dirais, ça paraît que c'est pas ça pas écrit dans les mêmes temps. Si je me fie vraiment à l'œuvre, ça paraît que l'œuvre cinématographique, plus que les livres sont pas dans le même temps, pas pour le même public exactement, ça paraît un peu dans l'œuvre cinématographique. Mais quand on est déjà au courant de cette réalité-là, on n'est pas déçu du film parce qu'on s'attend déjà à ce que ça soit comme ça. Mais en fait, la plupart de ce que j'ai entendu, c'est que la plupart des gens qui ont critiqué le film, c'est parce qu'il y a des critiques qui ont contre-attaqué en disant, regardez, ceux qui critiquent le film qui ont pas aimé l'Hobbit, c'est parce qu'ils connaissent pas Tolkien pour telle raison. Et entre autres, Huffington Post Canada qui avait un de leurs chroniqueurs qui avait posté justement point par point pourquoi c'était un bon film, pourquoi c'était fidèle à Tolkien et tout. Donc faut dire qu'ils font trois films. L'Hobbit, là, c'est un roman qui est vraiment, c'est un petit roman là, comparé à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Là, c'est vraiment une trilogie en livre également. Et là, c'est parce que ce qu'ils ont fait finalement pour faire trois films, c'est qu'ils rajoutent des éléments des autres livres de l'univers de Tolkien. C'est ça, ils rajoutent les éléments des appendices là, autour c'est ça, de l'univers. Là, fait que c'est ça, donc il faut pas penser que c'est pas fidèle, c'est même comme une valeur ajoutée finalement à l'univers qui est le roman Le Hobbit, mais on va rajouter autre chose là-dessus pour rendre finalement l'univers accessible, pour permettre aux gens qui vont pas aller lire l'appendice, qui vont pas aller lire le reste de la mythologie de Tolkien d'y avoir accès. Et voilà. Donc, c'était notre chronique, notre critique du Hobbit. Allez voir ça au cinéma, ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma. C'est un film épique. Écoutez, des batailles, des magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Des nains. Ça vaut la peine parce que les nains, c'est cool. Juste voir des nains, le 12 piastres, c'est bien investi. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai dit, il y a une bataille à un moment donné où on voit un nain avec un mohawk qui donne un coup de tête à un orc. Moi, mon 12 piastres était... À ce moment-là, j'ai dit, mon 12 piastres a été très bien investi. Ça vaut la peine. Donc, allez voir ça au cinéma, dans un cinéma près de chez vous. Et on continue en musique, M. Castegan. Oui, j'ai trouvé la... On va faire un parallèle très, très douteux. On parlait des appendices tantôt, des livres, mais on va aller écouter les appendices, ça. Je parle de ce groupe d'humour québécois qui, en cette veille du jour de l'an, là, dans pas longtemps, on va tomber en 2013. Bon, on va y aller avec des musiques type Rigodon aujourd'hui, et là, on va vous en servir une à la sauce appendice. Ça s'appelle La Méchante Aiguine, et c'est rapide. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes CKIA FM 88.3 à Québec. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. Allez, qu'elle parle pas mal dans le dos du monde. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. Paraît que je ne faut pas déposer des files d'attente. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. Y en a qui disent qu'elle a voté pour les nazis. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. Mais y a une affaire par exemple qui est pas pire. C'est qu'elle va bien. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. La méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine, la méchante Aiguine. C'est-il long, y'en a pas grand chose à faire. On se dit, on fait une danse, on va danser chez bébé. On s'est trouvé une guitare, un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, il était 29h30. Entre mesdames, entre messieurs, Marianne a sa belle robe et puis Ronan a ses yeux bleus. Mon ami, c'est signé place, on déconne et c'est mon gars. Ça aime pas les choses à quand ça vient d'arriver du couvent. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin, mon ami. Comme Isabelle a dit, avec ses petits libérés. Le premier, comme on dit, comme les voyageurs. Quand on danse à Saint-Hilon, c'est pas pour des embrassages. C'est un rip, ça va vite, il faut pas penser les bras. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage. Aussi bien partir de suite, y'en est telle place pour ça. Tout le monde balance, c'est fait tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Tu peux bien d'arriver avec tes reins à ses côtés. Ça va poser la soirée à faire ensemble à t'amuser. Ça sent les jaloux, son amour et son ami. Qui est parti gagner sa vie, l'ont bandé, c'est dans du quartier. Et parti un gros samedi comme un maudit malfaiteur. On dansait toute la soirée, le brandy pis la plongeuse. Et le corps dans la cage, pis nous voulons passer mes nuits. C'est Charlie que tu collais, il a perdu son amoureuse. C'est fait dropper comme un cave, par moi fait mes plus beaux cris. Un dernier tour, la seule des dames avant partir. Elle m'a serré la main plus fort à m'en regarder. J'ai perdu pas dimanche soir après la fin. J'irai du pain, j'irai du pot. Ça lui pensait tout moi, j'avais jamais viré comme ça. Le dos est tourné, mon amour et mon ami. Puis c'est l'autre qui s'est mis à la vérité. Comme une copie, elle a compris, elle a dit. Il est menti, il est juste, il fait ça traduit ton bonheur. Quand un petit gars de 5 silos prend sa course après une fille, il a fait virer si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour un petit tas de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que ça ne tient à 8, il y a la petite la réalité. Puis on t'a qu'à prendre, puis swing la madeleine. Puis on t'a juste bon, puis swing la madeleine. Ça est la fort, dans le corps. Et puis fais-y moi que t'es bon mort. Puis change de compagnie. Et oui, de retour à puissance maximale et tout de suite après la méchante Aiguine des Appendices. J'adore cette chanson. D'ailleurs, les Appendices qui ont sorti un CD récemment de chansons. On vous rappelle que les Appendices, en passant, c'est de l'humour absurde. Donc, il faut pas être étonné. Moi, j'adore ça. Et ils ont sorti un CD de leurs plus grandes chansons parce que à leur émission de Télé-Québec, ils ont des chansons vraiment à toutes leurs émissions et ils ont sorti un CD de ça. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça sur tout.tv ou télé-québec.tv. Excellente émission d'humour absurde au Québec. Allez voir ça, allez écouter ça. Ça vaut vraiment la peine. Et tout de suite après, on a entendu samedi soir à Saint-Dillon, un classique de Gilles Vigneault, mais revu à la sauce Noël dans la rue, qu'on vous a servi ça à puissance maximale. Et là, on continue avec une critique très attendue. On avait hâte de faire ça, la critique de la Wii U. Et oui, mesdames et messieurs, on vous en a parlé longtemps. Ça fait un bout qu'on vous en parle. On était déçus des annonces de Nintendo. On n'était vraiment pas, mais vraiment pas convaincus. On va remercier la personne, Éric Lajeunesse. Oui, mais Monsieur Lajeunesse qui nous a accueillis aujourd'hui dans son humble demeure pour nous faire tester ça, nous a montré plein d'autres trucs geeks. On a hâte de vous en reparler également. On va lui en reparler, voir s'il pourra pas venir nous faire un petit tour à l'émission pour nous parler d'autres choses geeks qu'il nous a montré. On espère qu'il est à l'écoute et qu'il va pouvoir accepter de venir nous parler en onde. Mais il nous a permis de jouer avec la Wii U. Et comme je vous disais... Pas n'importe quelle, l'édition de luxe. L'édition de luxe, 32 gigs de mémoire. Elle était noire également. Bref, comme Eric l'a dit, une console, c'est noir. Et il y a pas mal de raisons. Ça se marie avec tous les kits qu'on peut avoir dans notre salon. Et comme je vous ai dit tantôt, on n'était pas convaincus depuis une couple de mois là de la Wii U, les annonces qui avaient été faites. Puis on a vu les caractéristiques récemment qui étaient vues passer. On était là, oh, come on, là, Nintendo, vous avez quelque chose à rattraper. Écoutez, on peut tout de suite vous dire que on a été agréablement surpris. Ah, moi j'ai été charmé. Ouais, Andrew est très enthousiaste face à la Wii U. Faut vous dire que premièrement, écoutez, on a enfin du HD. Comme on a dit en voyageant, bienvenue. Faut que je fasse une petite remarque quand même. Je vais dire à Nintendo, bienvenue en 2006. Ouais, effectivement, là, c'était quasiment le temps. Mais ça permet d'avoir justement là, une grosse lacune qu'on avait maintenant avec la Wii. C'est qu'on en avait pas de HD, puis ça paraissait sur la plupart des TV maintenant. Là, les gens sont pas mal tout équipés en haute définition à la maison. Mais ça paraît là, quand on va jouer à la Wii. Mais là, avec la Wii U, on a quelque chose de très beau. C'est sûr que là, ça c'est une lacune que Nintendo va toujours avoir, je crois. Ils sont en retard sur tout ce qui est hardware, tout ce qui est performance de la machine. Si on compare avec la PS3, la Xbox 360 et autres, c'est ça avec les consoles de sa génération et même avec la Wii U qui est une nouvelle génération maintenant, ben on a encore beaucoup de retard, mais malgré ça, on a un élément important. Je pense qu'on va commencer par parler de ça parce que c'est un élément important de la machine, le gamepad. Le gamepad, qui est une manette un peu plus standard avec quatre boutons, des joysticks. Vous allez avoir les différents autres boutons comme le bouton Home qu'on retrouvait sur la Wiimote. Vous allez avoir une caméra à l'avant et à l'arrière et un écran, la grosse nouveauté, un écran haute définition. Tactile. Tactile, équipé aussi d'un stylet à même la manette. Des haut-parleurs. Des haut-parleurs qui sonnent pas mal mieux que les haut-parleurs qui étaient sur la Wiimote. Et faut que je fasse mention de quelque chose. Elle est légère. Moi aussi, c'est assez grosse, faut le dire. Là. C'est une grosse manette, mais prise en main. Number one. Number one, sans faire rien à redire sur la prise en main. Très légère. C'est massif comme main. Moi, j'étais sûr que ça allait peser une tonne. Number one, ça pèse rien. C'est plus léger qu'une Wiimote. Exactement. Là, donc, à ce moment-là, là, pas trop. Handicapé par ça. Moi, je lève mon chapeau à Nintendo. Ça, cette manette-là, c'est vraiment une expertise technique incroyable. Sérieux, je l'ai pris dans mes mains, j'ai taponné un peu avec, j'ai regardé l'écran, j'ai fait « OK, on a quelque chose ». Puis il faut dire qu'un gros avantage, c'est que disons que vous êtes en train de jouer, nous autres, on a essayé trois jeux, on a essayé Nintendo Land, Zombie U et également le New Super Mario Bros. U. On a essayé ça tantôt. Et disons, dans le cas de Mario Bros, Nintendo Land, je penserais pas, ça s'applique pas à tous les petits jeux, mais dans Mario Bros, ce que vous voyez à la télé, vous le voyez également sur l'écran de votre manette. Donc, si votre compagne, votre frère, votre sœur, votre chum, n'importe qui, arrive dans le sens, moi, j'ai besoin d'écouter une émission, il n'a qu'à mettre ça sur la sortie de la télévision, il va écouter la télévision, puis vous touchez à rien, pas aucune manœuvre à faire. Vous continuez à jouer sur votre manette et voilà, vous continuez à jouer à votre jeu sans problème. C'est sûr que c'est pas tous les jeux qui font ça parce que il y a des jeux qui vont utiliser le gamepad comme instrument au gameplay, mais ça c'est une belle option. Mais qu'est-ce que je trouve impressionnant là, c'est que l'image sur le gamepad est vraiment claire, ouais. C'est une bonne qualité, surtout pour un écran tactile. On s'entend, les écrans tactiles normalement ils ont une résolution plus basse que les autres parce que c'est normal, il y a une surcouche physique sur l'écran pour encaisser nos doigts et tout ça qui pèse dessus. Mais là, number one au niveau de l'écran, mais en même temps, ça cause la manette. Dites-vous une chose, là. Pour que la manette soit légère, et ça a été prouvé, il n'y a rien dans la manette, là. C'est des speakers, un écran, tout ça. Faut que le signal HD de votre Wii U se rende à votre manette. Sans fil. Sans fil. Et vous avez vraiment aucune perte d'image. Il n'y a pas de latence ou quoi que ce soit. Quand on joue, c'est live. Il n'y a pas de délai ou quoi que ce soit. Moi je suis impressionné parce qu'on a encore en 2012, on a de la misère à faire des souris sans fil qui n'ont pas de délai quand on joue à un Battlefield 3. Mais là, on a une manette, un gamepad avec un écran qui a zéro latence et il n'y a rien dans la manette. Rien, rien, rien. C'est juste un écran qui reçoit un signal vidéo sans fil puis qui l'affiche. Puis en HD. Moi, personnellement, je me dis, waouh, c'est quand qu'on prend cette technologie-là et qu'on sacque ça sur une TV. Ouais. C'est quand qu'on n'aura plus besoin de rien brancher sa TV et le signal HD se rend. Deux autres trucs rapides là, sur la manette pour aller vers les jeux. Là. Prise jack audio pour des écouteurs direct sur la manette. Pas besoin de brancher ça sur votre TV ou sur la console, direct sur la manette. Très cool. Et, Moupienrou, on était vraiment impressionnés. Possibilité de programmer votre système de son, votre installation maison là-dessus. Donc, manette universelle sur votre gamepad de Nintendo Wii U. Ça, j'ai trouvé ça cool. Moi, je pense que j'ai fait une poque sur le plancher quand ma mâchoire a cogné. Ouais, ça a l'air con, mais c'est vraiment des petits trucs qu'on ajoute qui fait que la console... C'est ça, mes choses à savoir, c'est à cause qu'ils ont intégré un infrarouge sur le Wiipad. Ouais. C'est niaiseux, là. C'est hot. Ça rajoute des possibilités de plus. C'est ça, c'est un petit plus qui rajoute justement pour le côté multimédia qui fait que votre manette, elle peut vous servir à plein d'autres choses puis qui rajoute un peu de convivialité à tout ça. Et là, on va passer, parce que là on vous avait parlé il y a quelques semaines un peu du hardware, donc on dirait un peu, à mi-chemin entre une Wii et la présente génération de consoles. Mais là, on va vous parler des jeux. On a essayé trois jeux. On va commencer par Nintendo Land, qui est un peu... c'était un jeu test là, pendant le développement de la Wii U. Et là, il nous offre ça avec la console. De luxe. Avec la version de luxe, parce que sinon vous avez votre pad, votre console, puis c'est pas mal tout. Ouais, c'est crois. Ça. Le, tandis que la version de luxe, vous avez le dock de recharge, le game, vous avez plein d'affaires. Puis aux 50 pièces de plus, ça vaut vraiment la peine. Là, le jeu Nintendo Land vaut 50 pièces à lui tout seul. Fait que ça vaut la peine. C'est un petit jeu de mini-game où on va faire différents trucs. En nous, fait, on a essayé c'est trois. C'est un party game. C'est ça, on a essayé trois jeux. Le fameux jeu de ninja, parce qu'on le voit dans, on le voyait dans plein de démos, on va lancer des shurikens à des créatures, à d'autres ninjas. Excusez. À tes souhaits. À des ninjas. Des ninjas en papier. Voilà, donc où on va, finalement, c'est juste un jeu de tir le plus rapide, le plus précis possible. Il n'y a pas grand-chose à dire là, sur ce jeu-là. C'est amusant, mais on se tanne vite un peu. Ouais. Il faut dire que les jeux sont super beaux. Ça, il faut le concéder. Nintendo, c'est pas... Même si avec les jeux... Ils ont annoncé des jeux de hardcore gamer, Assassin's Creed, des Call of Duty, des trucs du genre. Là. Sauf que ça reste une... Il va falloir que le monde se mette ça dans la tête. Ça reste une console... familiale et une console de casual gaming puis de party gaming. Donc, allez pas vous acheter ça si vous ne jouez qu'à des jeux hardcore, qu'à des jeux gore, qu'à des jeux type plus pour adultes. Il faut aimer les jeux, des fois plus pour les enfants, plus pour la famille, plus cartoon. C'est bien qu'ils rouvrent la porte à ça. Je me dis, au pire aller, quelqu'un qui veut une console de party, puis une petite console casual pour les enfants, tout ça, mais t'sais que ça, ils tentent d'avoir un petit jeu hardcore une fois de temps en temps avec la petite gimmick un peu Wiipad, c'est le fun, mais t'sais, faut pas s'acheter ça pour strictement le vous êtes côté pas le, hardcore. Vous êtes pas le public cible de Nintendo. C'est ça, c'est mettez-vous ça dans la tête. Ils ont ouvert la porte, t'sais, dans ce style qu'on peut en avoir, mais t'sais, c'est pas notre public principal. Ça, parce que ça, c'est des critiques qui ressortent à chaque fois, mais je pense que là, on a compris que depuis la GameCube, là, je pense qu'on le sait, là, que le public cible de Nintendo, c'est les familles, les casual gamers. Arrêtez de, ah, mais c'est pas aussi bon que, non. Ça sera pas aussi hardcore qu'une PlayStation 3 ou un Xbox. C'est juste autre chose. Donc, faut faire notre deuil à ce niveau-là. Mais les jeux sont bons. Écoutez, c'est ça, là, Mario Land, on a aussi fait essayer un truc... De Zelda. C'est sur rail, un jeu sur rail où on va se promener. Mais il était le fun. Moi, j'ai eu du fun avec le... Parce que dans le fond, il y en a un qui a la Wiimote. Parce que, tu sais, chose à savoir, c'est tous vos accessoires de Wii vont marcher avec la Wii U. Je sais ça, pas finalement si on va pouvoir acheter un deuxième gamepad. Oui, ça a été annoncé. Hein. C'est juste parce que pour tout de suite... c'est pas activé cette fonction-là, mais on va pouvoir. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, t'as le joueur qui a la manette, dans le fond, là, de la Wii U, que lui, c'est un archer, il tire des flèches sur les monstres, et t'as l'autre avec la Wiimote, qui est le Link standard. Le fantassin. Le fantassin. Et dans le fond, c'est un Unreal, puis les deux en coop, faut s'aider pour se rendre à la fin. T'sais, c'est basique. Mais t'sais, dans une compilation d'à peu près une quinzaine de jeux où tu peux jouer à 5 ou à 4 ou à 6 même, je pense qu'il y en avait qui montaient à 6. Ouais. T'sais, moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il y ait un jeu Unreal comme ça, parce que c'est pas uniquement ça, Fable Journey. Mais tout ça pour dire... Mais t'sais, tout ça pour dire que moi, personnellement, j'ai trouvé ça divertissant. Je dis pas que je passerais ma soirée là-dessus, mais t'sais... Un autre beau jeu à jouer entre amis en gang. C'est ça, exactement. Parce qu'on a eu du plaisir, on était juste deux pour le tester, on a fait trois jeux, puis c'était vraiment le fun. On n'a pas tout testé parce qu'on voulait essayer les autres. D'ailleurs, ouais, c'est ça, on a essayé le genre de petit jeu de shoot de Metroid, qui était le fun aussi. J'ai eu bien du fun. Bon, tu m'as tiré dessus. Ouais. Parce que t'es roux. Donc, on a essayé ces trois jeux-là. Intéressant. Jeu de party, Nintendo Land. Ça vaut la peine d'avoir ça. De toute façon, ça vaut la peine, si vous voulez l'acheter, d'acheter le bundle de luxe. Pour la différence de prix, là, ça vaut vraiment la peine. Et nous, on a essayé un truc, et ça fait longtemps qu'on voulait essayer, Zombie U. On vous en a parlé il y a quelques semaines en disant, ouais, des critiques sont, il y en a qui sont assez dévastatrices, des 3 sur 10, des trucs du genre, beaucoup de critiques disant que ça manque d'action, que c'était pas assez rapide. Écoutez, moi et Andrew, on a adoré ça. On a beaucoup aimé ça. Moi, j'ai aimé ça parce que, en fait, le monde qui n'a pas donné des bonnes critiques à ce jeu-là, c'est qu'ils n'ont pas compris le concept. Mais ils comprennent, pas. Ça les intéresse pas. C'est un peu comme Zombieland. T'sais, le monde qui n'a pas aimé le film Zombieland parce qu'ils trouvaient qu'il manquait de zombies. Ou le monde qui aime pas The Walking Dead parce qu'il trouve qu'il manque de zombies. On est dans un contexte qui n'est pas un contexte d'action. Ça se peut, ça, être dans un contexte de zombies, puis ça soit pas du tuage de zombies pendant une heure et demie. On a-tu le droit? Un peu, on revient dans une ambiance un peu comme Resident Evil 1, où on a la chienne de se promener, puis que le monde dit, ah, le combat mêlé, parce qu'il faut dire que, on vous explique le contexte rapidement, bon, apocalypse des zombies, il y a des zombies partout, puis là, vous êtes un survivant et vous devez dans faire dans le milieu de Londres. Dans le milieu de Londres et vous devez faire quelques vous allez faire des missions pour rétablir du courant. Ouais, parce que dans le fond vous êtes en communication avec un autre survivant à part le billet d'une tablette qui ont pas on n'a pas vu le début du jeu là. On a pris une game qui était déjà commencée pour l'essayer, mais le personnage principal a une tablette et ça donne qu'il est en communication avec un autre survivant, un genre d'opérateur dans le fond qui voit tout qu'est-ce qui se passe dans la ville et il nous donne des missions et des guides pour pouvoir avancer. Rétablir du courant, se barricader telle porte, des trucs du genre, vraiment un mode survie. Puis là, ben on va se promener comme ça puis on va ramasser des objets, il faut fouiller, il faut scanner grâce au gamepad et on rentre en réalité augmentée parce que vous pouvez y aller avec ce que vous avez devant vous, mais si vous vous levez dans votre pièce chez vous puis que vous virez sur vous-même avec le pad, ben c'est comme si votre personnage dans le jeu faisait le tour sur lui-même. Donc, vous allez pouvoir faire le tour 360 dans la pièce où vous êtes. Donc, gestion de l'inventaire en continu. Il n'y a pas de pause pendant que vous gérez votre inventaire. Si vous êtes à une place en fait, pas safe... Il n'y a pas de pause à part pour aller dans le menu d'options. C'est ça. Puis, si vous êtes en train de checker dans votre sac à dos ce que vous avez pour vous guérir, regardez ce que vous avez, ben il y a un zombie dans le coin, ben il va vous attaquer. Donc, ça, c'est... Il faut tout être en alerte observateur grâce à des fonctions de scan avec le gamepad. Et des gens qui disent « Ah, le combat mêlé est pas efficace. On a un bat de cricket dans le bout où on a joué. » C'est normal, vous êtes pas un commando surentraîné comme on parlait avec Andrew dans l'auto tantôt. Alors, vous êtes pas un gars que ça fait 8 mois qui se bat contre des zombies, vous êtes un survivant. Vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui se ramasse à se battre contre des morts vivants. Donc oui, ça te prend 4-5 coups de batte de baseball ou de cricket en arrière de la tête pour le canter, le maudit zombie. Et les balles sont très rares, faut vraiment avec faire... le pistolet, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus précis. On gagne les niveaux à force de tuer des zombies, mais t'es la mire est pas d'une précision. Puis ça fait du incroyable, bruit. Incroyable, ça tire. Puis, tu sais, je vous dirais, c'est un des premiers... Ben, pas un des premiers, mais un des rares jeux depuis très longtemps que vraiment, là, je vous dirais, j'avais peur des marches. Ouais, Andrew, t'es vraiment arrivé. Il fallait descendre dans des caves, il a arrêté, il a fait « Ah oh non, pas des marches. » Parce qu'on sait qu'on arrive en bas, c'est une cave, donc plus de zombies. On se bat pas contre des hordes là-dedans. Le pire, c'est que ça a été bien fait parce qu'il y avait rien dans la cave. C'est vraiment, j'ai activé les caméras, j'étais arrivé pour monter les marches, puis il était en haut. Le zombie était en haut, il m'a vu, il a gueulé, puis moi, j'ai pas gueulé à faire comme « Ah! » comme une fillette, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » J'ai reculé, t'sais. Ouais. T'sais, c'est comme cette ambiance-là de stress parce que ton personnage, tu le sais que c'est pas un commando. T'as trois zombies qui te foncent dessus. Dans Left 4 Dead ou peu importe tes jeux actuels de zombies, t'as 20 zombies en avant de toi. No big deal, je passe à travers de ça. Tandis que ça, là, t'en as deux en avant de toi. Puis t'as chien. Je pense à ton affaire. Il y a un côté beaucoup plus tactique. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'indication du gameplay à l'écran. À l'écran, puis, vous voyez... En même temps, chose que j'ai pas pensé, puis on l'a pas vécu, tu peux être aux trois quarts de ta vie, puis un zombie peut te one-shotter. Il suffit juste que le zombie te grabe. Et tu peux mourir. Oh oui, là. C'est fini, c'est ça. C'est ça que je disais, c'est qu'à l'écran, sur votre télévision, vous n'aurez pas d'éléments de gameplay. Tout va se voir sur votre tablette. Donc, tout ce qui est scan, tout ce qui est inventaire, ça se fait sur la tablette. Donc, la carte aussi est là-dessus. Donc, si vous voulez voir votre carte, ben, vous baissez les yeux, vous regardez. Puis là, pendant ce temps-là, vous ne regardez pas votre environnement autour de vous. C'est à la première personne en passant. Et donc, vous pouvez manquer votre zombie. Nous, on avait la chance d'être dans une installation là, chez Monsieur La Jeunesse. Tout est équipé en son surround, donc ça c'est un gros plus là, dans un genre de jeu. On sait d'où il vient, on a des indices sonores, la qualité de son où est-ce qu'on était magnifique là. Ça c'est un gros plus, mais sinon faut vraiment être attentif. Donc c'est un jeu de survie. Une chose que j'ai trouvé bien faite, c'est si le son de la tablette est fermé, le gars, l'opérateur qui nous parle, le son sort dans la télé. Mais si on allume le son de la tablette, le gars de l'opérateur, le son sort de la tablette. Ouais, c'est encore un petit côté ambiance qui est un gros plus aussi là au jeu. Donc, écoutez, c'est sûr que c'est pas les meilleurs. Faut rappeler que c'est des jeux de première génération de cette console-là. Donc, c'est les premiers jeux qui sortent. On est dans les balbutiements de cette console-là. C'est normal que ce soit pas la top qualité que la console peut nous offrir. Donc, s'il vous plaît, soyez conscients de ça. Ça, n'importe quelle tablette, n'importe quelle console, c'est ça. C'est tout le temps le même problème, tout le temps. C'est qu'il faut être conscient de ça. Et aussi, c'est la Wii U. C'est pas une PlayStation 4, c'est pas une Xbox 720 ou whatever, comment vous voulez appeler ça. La Xbox Next. Ouais, c'est ça. C'est c'est Nintendo, c'est leur force c'est pas le graphisme, mais c'est un gameplay différent. Puis on a la preuve avec ce jeu-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Une ambiance de survie, d'horreur, un petit stress. Puis comme je vous dis là, j'ai eu la chienne de des marches. Je pense que la dernière fois justement où j'ai vécu ça, c'est Resident Evil 1. Mais le remake sur le GameCube où il y avait des risques. T'sais, quand tu te promenais, tu pouvais avoir un cadavre de zombie qui pouvait se relever en genre de super zombie. Mais là-dedans, c'est pareil. Tu te promènes dans un corridor, t'as un cadavre à terre. Si tu le scannes pas, ça peut être un zombie qui va se relever, comme ça peut être un cadavre aussi. Ça c'est se peut. Fait que là, t'as la manie, à chaque fois que tu vois un cadavre, de prendre ton bat de cricket pis dire, mon maudit, tu te relèveras pas. C'est ça, c'est vraiment, faut aimer être immergé là, dans un univers vraiment d'horreur. Moi, je trouve que c'était vraiment un excellent titre. Pour les gens qui ont la Wii U, c'est un titre à aller s'acheter et c'est fait par Ubisoft. Allez vous chercher ça, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. On l'a testé pendant une heure. Écoutez, je peux pas vous garantir que c'est pas redondant. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, l'expérience de jeu, j'ai beaucoup accroché. Ça vaut la peine, moi, selon moi. Juste pour vous donner une idée, j'ai le goût d'une Wii U juste pour ce jeu-là. Ouais, Andrew, il a beaucoup accroché là-dessus. Autre jeu qu'on a testé rapidement parce que la fin de l'émission approche à grands pas déjà. On a essayé le nouveau parce que qui parle Nintendo, on doit parler de jeux de plateforme, donc de Mario, le New Super Mario Bros. U. Et donc un peu à la même sauce que celle qui avait sorti sur Wii, où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en coop, donc dans les tableaux à la Mario Bros. Comme on avait parlé avec notre hôte, Monsieur La Jeunesse, qui nous a accueillis, ça réinvente rien. Mais ce sont de beaux ajouts. Le jeu est superbe en qualité HD, style cartoon. On le sait que c'est pas un Halo 4, c'est pas un Skyrim, disons. On est dans le cartoonesque si on veut, mais magnifique jeu dans ce style-là. Un bon Mario, écoutez, même je pense qu'on me disait que c'était un peu plus tough. Moi, j'avais pas joué beaucoup à l'autre, mais un peu plus difficile que son prédécesseur sur Wii. Oui, je concède. Mais vraiment amusant, c'était pas trop tough là. Je dirais que quand j'ai joué à New Super Mario Bros sur le DS, c'était le première édition de cette refonte-là, je l'avais trouvé très facile. J'ai joué à New Super Mario Bros. Wii, où on pouvait jouer à 4. Si on jouait tout seul, le jeu était facile. La difficulté, c'est quand on tombait 4 dans le jeu, parce que là, on pouvait sauter dessus. Tout ça, à niveau, tu l'as déjà joué avec moi. Après ça, ils ont sorti New Super Mario Bros. 2 sur la DS, où là, le thème, c'était l'or. Et là, je vous le dis sérieusement, je l'ai déjà dit dans ma critique, c'est ridicule comment que le jeu est facile, parce qu'il y a tellement d'or partout qu'on monte à du 42, 52 ou 62 vies en un rien de temps. Mais là, celui-là, je vous dirais que ils ont balancé l'affaire. C'est pas trop dur pour les jeunes. T'es des jeunes qui vont jouer tout ça, ils vont se faire du fun. Mais ça vient retoucher une petite corde là, t'es de d'anciens gamers là, t'es référence de Lost Level. Ouais. Je vous dirais c'est à peu près ça. Non, on s'est fait beaucoup de fun. On a eu le temps de faire le premier monde. Les boss étaient au début là, donc classique. On a les Koopa Kids. Ben on vous raconte l'histoire là. Bowser arrive au château de la princesse. Avec les bateaux. Bateaux volants. J'adore que Nintendo ait ramené les bateaux. Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Je me rappelle bien. Il revient avec les bateaux, capture la princesse, nous lance au bout du monde et nous on doit revenir pour la sauver. Et là il y a les Koopa Kids qui vont être là pour nous arrêter. On les revoit dans les différents c'est les différents boss finalement des mondes et on va y aller comme ça. Écoutez, classique là, réinvente rien, mais des beaux ajouts, du co-op avec des nouveaux power-up comme un habit d'écureuil volant, donc on va utiliser pour planer. On peut s'entraider quand il y en a un qui vole, l'autre peut accrocher l'autre. Il y a des nouveaux Yoshi aussi, les bébés Yoshi qu'on peut gonfler comme des ballons, avec lesquels on va flotter, avec lesquels on peut s'accrocher avec notre partenaire pour passer un trou. Alors, écoutez, il y a beaucoup de possibilités. En même temps, on n'a pas parlé de qu'est-ce que le pad rajoutait à ce jeu-là. Ouais, mais également, c'est ça. Disons que vous êtes 3, ou même vous êtes 5 à la maison. Il y en a 4 qui jouent, mais l'autre qui a le pad, parce que le pad sert pas. Quand vous jouez en multiplayer, vous jouez seulement avec les Wiimote. Si vous avez le pad à ce moment-là, la cinquième personne peut placer des blocs pour vous aider à monter sur une différente plateforme. Donc, va venir vous aider. C'est vraiment là, top coopération. Là. Donc, le pad va pas vous servir à jouer, mais une personne. Puis même moi, là, moi j'avais le pad à côté, puis on arrivait à une place. Ah, attention, Andrew, toc, toc, toc, toc, j'allais placer les plateformes. C'était un petit peu dur à se coordonner au début. Là. J'étais là, Mike, dis-moi où tu mets les blocs. Ouais, c'est ça. Mais finalement, on s'habitue rapidement, ça se prend bien en main, puis on peut racheter un nouveau level, un nouveau niveau de coopération à ce jeu-là. Donc, le souci, c'est un must à avoir. Une nouvelle console comme ça, là, un beau jeu de plateforme comme ça. Écoutez, on parle de Nintendo, là, ça vous prend ça chez vous. Allez, vous, ça vous prend ça. Ben, je sais pas s'il vient avec le bundle. Avec le bundle, c'est juste Lux, Nintendo Land. Ouais, c'est ça. Puis après ça, vous allez vous acheter des sinon, jeux. Sinon, il y a en Europe que le Zombie U d'inclus, mais nous autres, Américains que nous sommes. On a seulement le Nintendo Land. On mérite pas ça. Mais écoutez, ça vaut la peine d'avoir ces trois là de base avec votre console. Vous allez vous faire du fun. Vous avez un jeu de plateforme très intéressant. Vous avez un jeu plus hardcore, si vous voulez, avec Zombie U, qui est vraiment survie, horreur, avec une ambiance beaucoup plus lourde. Et finalement, vous avez Nintendo Land, jeu de party. Je bave actuellement. Ouais, Andrew, il est content tout plein. Et finalement, Nintendo Land, où vous allez avoir quelque chose de party, puis des petites parties rapides pour tester les capacités de votre machine. Sinon, Mike, puisqu'on a eu un contenu chargé et que là, on n'aura pas le temps de mettre d'autres musiques parce qu'on a parlé, faudrait quand même parler de la grosse nouvelle qu'on a eue. Oui, c'est ça. En terminant l'émission, écoutez, donc c'est ça pour la Wii U, là. C'est une suggestion. Allez vous chercher ça pour les amateurs. C'est casual gaming, famille, mais puis même certains titres encore comme Zombie U, mais en tout cas moi avoir les sous là, présentement là, je pense j'irais mal l'acheter pour un peu meubler mes soirées gaming. Et pour terminer l'émission, grosse nouvelle Andrew qu'on a appris la semaine dernière, oui, la faillite de THQ. Mais d'ailleurs il y a eu d'autres nouvelles qui ont sorti. Je suis tombé sur l'article en cherchant la fameuse article. Ça fait beaucoup d'articles. Mais bref, le 19 décembre, très exactement, THQ avait annoncé dans le fond avoir déclaré faillite et qui dans le fond liquidait les franchises et tout ça pour renflouer les coffres de THQ et qui dans le fond il y avait eu un accord qui avait été proposé avec la société Clear Lake qui voulait racheter l'ensemble des propriétés de l'éditeur pour un montant de 60 millions de dollars. C'est pas beaucoup. Quand même. Ben, il y a des grosses franchises pareil, THQ, puis effectivement, c'est pas très haut, mais Clear Lake est une société qui a beaucoup d'atouts financiers. Fait que, dans le fond, si l'achat était conclu, c'était quand même bon signe pour le studio malgré la faillite. Et dans le fond, quand on avait lu la nouvelle, c'était ça qui flottait dans le style que l'accord n'était pas passé encore avec Clear Lake et là ça mettait en péril des franchises comme Darksiders, Companies of Hero, Saints Row et tous ces petits studios là. Et par exemple, l'information qui avait été rajoutée, cette mise en faillite là ne touchait pas THQ Montréal situé au Canada, donc eux autres ils continuaient leurs opérations et leurs projets comme si de rien n'était parce qu'ils sont un peu indépendants. Et tout ça pour dire que finalement, le 20, soit le lendemain, l'accord a été passé entre... c'est quoi le nom de la société? Clear Lake. Clear Lake et THQ pour la transaction. Donc, finalement, THQ, oui, ont fait faillite, mais tel un phénix relève de ses cendres et aucun titre va être annulé ou quoi que ce soit, en fait. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, tout. Une grosse nouvelle, mais quand même qui se termine bien en ce temps des fêtes 2012. Ben, disons que ça se finit mieux que ben des studios pour l'année 2012. Hein. Ouais, c'est ça. Et autre nouvelle, t'es rapide, je pense que t'avais d'autres nouvelles pour nous. Non. Non. Ah, d'accord. Je pensais que t'étais hors d'onde. J'avais compris autre chose. Donc, merci beaucoup de ce petit... Ben, y en a plein d'autres, mais on a tellement eu de stock à dire que ça sera pour une prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup, M. Castegan. D'ailleurs, je te remercie d'avoir participé à l'émission, comme à ton habitude. Et d'ailleurs, c'est notre dernière émission avant 2013. Merci, Andrew. Je te souhaite une belle année de gaming, une belle ludo-année, si tu veux. J'espère que tu vas gamer comme tu le veux et comme tu le peux. Ouais, évidemment. Ben, on essaie de ressusciter l'ordinateur. Là, je suis là-dessus. Ouais. sinon, en tant que tel, ben souhaitons que le site de Puissance Maximale va avoir son lifting prochainement. Je travaille toujours là-dessus. Fait que je vous dirais là, que ça s'en vient. D'ailleurs, parlant de Puissance Maximale, un nouveau logo, il y a des t-shirts qui sont en route, qui ont été commandés pour les gens qui ont eu... qui ont voulu les commander, essayer de contacter M. Castegan le plus rapidement possible. Nous récoltons les fonds pour vos t-shirts. Nous ramassons vos paiements, mesdames et messieurs. Passez par la page Facebook. Envoyez un petit message privé à Puissance Maximale pour vous faire expliquer comment fonctionner pour le paiement par M. Castegan. Et mon nom, moi, est Mickaël Michaud, votre animateur. Aussi, je vous souhaite une excellente année 2013 à tous les auditeurs de Puissance Maximale, en espérant que vous aurez une belle année en général, mais surtout une belle année ludique. On se le souhaite. souhaite à nous également. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions et également et tous les autres éléments disponibles sur le site, nouvelles et autres podcasts. Allez sur Facebook, donc allez taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous retrouver et nous dire bonjour, allez appuyer sur le bouton j'aime, venez nous dire des belles choses parce que nous, on vous aime. Petit commentaire, là, lâchez ça sur la page Facebook. Oui, je dis que Mike est beau, il aime ça aussi. Toujours. Et voilà, rapidement, vous allez avoir M. François Gécouillard tout de suite après pour le Cirque Aquatique Magique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et je vous souhaite, en terminant encore une fois, une excellente année de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die.